Chapitre 10. La santé de Gertrude, déjà altérée depuis quelque temps, ne résista pas aux secousses produites par cette pénible scène. Le soir même, la jeune fille fut prise d'une fièvre violente, et Fanchette fut obligée de l'aider à se mettre au lit. Le lendemain, le mal, au lieu de diminuer, s'aggrava. Le médecin que Pitois était allé chercher en toute hâte reconnut les symptômes d'une fièvre muqueuse et déclara que l'état de Gertrude réclamait les soins les plus assidus, ainsi que les plus grandes précautions. On se procura une garde, et Pitois fit sentinelle dans la cour, bien résolu à jeter à la porte le premier meurtrier qui s'aviserait de venir troubler la malade. Pendant ce temps, Xavier se promenait à travers son atelier, attendant la visite promise, et jetant à chaque minute un coup d'œil sur la route. Les événements de la veille l'avaient profondément bouleversé. Toujours dans ses châteaux en Espagne, lorsqu'il bâtissait en l'air l'avenir de sa cousine et le sien, il avait distribué les rôles autrement. Il avait rêvé de subvenir seul aux charges de mariage, de gagner une fortune à l'aide de sa sculpture, puis de courir à B, et de dire à Gertrude « Maintenant me voilà riche, laisse là ton magasin et sois ma femme ». La mort de l'oncle Renaudin et le singulier testament du vieillard venaient d'intervertir les rôles. Il était probable que les dernières dispositions du défunt ne seraient que la confirmation de ce premier testament, et que Gertrude serait instituée légataire universelle. Elle deviendrait riche et lui resterait pauvre. Il aimait trop sa cousine pour lui en vouloir à cause de ce brusque changement, mais il n'en éprouvait pas moins une déception douloureuse. Il ne pouvait plus offrir sa main à Gertrude. Il aurait eu l'air de réclamer l'exécution d'un engagement devenu avantageux pour lui. Il se croyait obligé d'attendre que la jeune fille vînt spontanément lui rappeler sa promesse, et il se disait que même dans ce cas, il aurait encore l'air de faire un mariage intéressé. Il songeait à tout cela, et sentait son agitation s'accroître à mesure que s'approchait l'heure probable de la visite attendue. Il avait disposé son atelier avec une certaine coquetterie, afin que les moindres objets eussent l'air de fêter la bienvenue de Gertrude. Les grands vases de faïence qui se dressaient aux quatre coins avaient été garnis de branches de houx au baies rouges. Les panneaux sculptés les mieux réussis avaient été placés aux endroits les mieux éclairés. Le grand dressoir avait été épousseté et frotté dès le matin, et un bon feu faisait bourdonner le poêle. Cependant, l'après-midi avançait. Le coucou rustique avait déjà sonné 2 heures, puis 3, puis 4, et personne ne venait. Xavier se promenait fiévreusement à travers l'atelier, puis collant son front au visage du châssis, parcourait d'un regard inquiet la route déserte. Personne. Il prêtait l'oreille et n'entendait que le bruit du vent dans la futaie voisine, ou le murmure grossissant du ruisseau de la gorge aux couleuvres. Enfin la nuit vint, et l'atelier s'emplit d'obscurité. Seule la flamme du brasier qu'on apercevait par la petite porte du poêle jetait encore çà et là de mourantes lueurs. Le jeune homme commença alors à désespérer. « Elle ne viendra plus maintenant, se disait-il. Est-ce qu'elle serait déjà embarrassée de tenir sa promesse ? Sa nouvelle fortune l'aurait-elle changée à ce point ? Non, non, non, c'est impossible. » Et il recommençait sa promenade agitée autour des établis silencieux. Quand la femme chargée de son ménage lui apporta à souper, elle le trouva assis tout morose près du poêle éteint. Il ne mangea pas et ne put dormir. Sitôt le jour levé, il courut frapper à la porte de l'abbatiale. Pitois lui répondit par le guichet. « Mademoiselle de Maupriez est très malade. » Là-dessus, le guichet se referma impitoyablement. Et Xavier, plus tourmenté que jamais, résolut de passer chez sa mère. Honorine préparait le café du matin, tandis que Gaspard bouclait ses guêtres et que la veuve dévidait un écheveau de laine. « Savez-vous que Gertrude est malade ?» dit Xavier en entrant. « Je l'ai appris hier, » répliqua Madame de Maupriez, « et comme je ne transige jamais avec un devoir de famille, je suis allé à l'abbatiale avec Rennes offrir mes services. Mais nous avons été reçus par ce manant de Pitois, qui ne nous a même pas laissé entrer dans la cour. »« Parbleu, elle est fine, l'angeleuse !» s'écria Gaspard. Cette maladie est un prétexte pour éviter les explications et se rendre intéressante. Vous avez été bien bonne de vous déranger, ma mère. surtout après ce que nous avons subi hier soir au sujet de notre gracieuse cousine. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda Xavier. « Il y a, reprit Honorine, que 8 jours avant la mort de notre oncle, mademoiselle Gertrude est venue ici en cachette et a passé toute une nuit au chevet du bonhomme. » « Quel conte ! » fit Xavier en haussant les épaules. « C'est l'exacte vérité, » dit madame de Maupriez. « Je tiens le détail de la propre cousine de Fanchette. »« C'est tout bonnement une captation, » reprit Gaspard en ricanant. « Mais patience, tout n'est pas dit, et je ferai casser le testament. »« Déjeunes-tu avec nous ?» demanda Honorine. « Merci. » Xavier s'enfuit, désolé, à son atelier. Il ne pouvait croire à une pareille trahison. Gertrude était certainement calomniée. Il se rappela alors que sa cousine lui avait dit en sortant du cimetière « Si quelqu'un m'accusait, ne me juge pas avant de m'avoir entendu. » « Oui, pensa-t-il, je veux avoir confiance, et j'attendrai qu'elle puisse s'expliquer. » Mais en me faisant cette recommandation, elle prévoyait donc qu'on pourrait l'accuser. Il avait beau lutter, les soupçons revenaient toujours, et son inquiétude grandissait. Il n'avait plus de goût pour le travail, passait la plupart de ses journées accoudé sur son établi, et ne reprenait un peu d'animation que le soir, à l'heure où il montait à l'abbatiale, pour avoir des nouvelles. La réponse que lui faisait l'inflexible Pitois variait peu et n'était guère encourageante. Cependant, un matin de la fin de janvier, la figure du vieux garde parut moins farouche. « Il y a du mieux, » répondit-il à Xavier en refermant la porte plus doucement que d'habitude. La fièvre, en effet, avait disparu, et Gertrude commençait à entrer en convalescence. Elle était encore très faible et ne pouvait se lever. Mais sa tête était redevenue libre. Sa première pensée fut pour Xavier. « Comment doit-il me juger ? » se demandait-elle en soulevant sur l'oreiller sa figure pâle comme une fleur de narcisse. Il lui tardait de le voir, et chaque jour elle questionnait le médecin sur l'époque où elle pourrait sortir. Celui-ci l'exhortait à la patience, puis il recommandait à Pitois de tenir ferme et d'éviter à la convalescente toute espèce d'émotion. Les Maupriez ne s'étaient plus représentés à l'abbatiale, mais ils n'épargnaient guère Gertrude, et un nouvel incident avait encore alimenté leur médisance. Un beau matin, le commissionnaire des Islettes avait envoyé la malle que Gertrude avait laissée chez demoiselle Pêche, et cet envoi était accompagné d'une lettre fort sèche de mademoiselle Hortense, adressée à madame de Maupriez. Dans cette épître peu bienveillante, mademoiselle Pêche, aînée, annonçait que les absences trop fréquentes de Gertrude avaient déterminé le remplacement de la jeune fille. Le premier devoir des ouvrières de la maison étant, avec la moralité, la plus ponctuelle exactitude. Le jour même de la réception de cette missive, Reine et sa sœur daignèrent honorer d'une visite l'atelier de leur frère. Leur instinct féminin ne les avait pas trompés sur l'intérêt que Xavier portait à Gertrude, et elles lui communiquèrent triomphalement la lettre de mademoiselle Hortense Pêche. « Tu vois, » dit Honorine, « la modiste parle des absences fréquentes de Gertrude. Mademoiselle voyageait pour ses intérêts. Pourquoi ne lui avez-vous pas donné connaissance de cette lettre ?»« Est-ce qu'on peut entrer chez elle ?» reprit Reine ironiquement. « Elle fait défendre sa porte. »« Elle est malade, » objecta Xavier. « Oh, malade !» reprit Honorine en hochant la tête. « Je ne crois guère à cette maladie. » D'ailleurs, son mal ne l'empêche pas de se lever, car on l'a vu aller et venir dans la maison. Cette visite laissa à Xavier une sourde irritation. La lecture de cette lettre avait exaspéré tous ses soupçons. Il se rappelait avec amertume la froide attitude de sa cousine le jour de l'enterrement, l'embarras avec lequel elle avait accueilli certaines questions. Puis il se souvenait des propos échappés un jour au courrier de Sainte-Menehould, et dans tous ses menus détails, il trouvait un aliment pour sa jalousie naissante. Il avait cessé d'aller chaque soir à l'abbatiale, et vivait de plus en plus solitaire, évitant avec le même soin la maison de sa mère et celle de sa cousine. Cependant, avec le mois de février, de plus claires journées étaient venues. L'air s'était attiédi, la neige s'était fondue dans les prés, un doux vent avait balayé les nuages, et le ciel était bleu par places. Au bord des haies, les chatons des noisetiers commençaient à jaunir, et les fleurs des cornouillers ouvraient leurs étamines d'or aux nœuds des branches nues. Une après-midi, le vent du sud envoyait de si caressantes brises que Xavier entrebâilla les vitres du châssis, et par cette ouverture, les rayons du soleil envahirent l'atelier. Xavier, rêveur, avait déposé son baillet et son ciseau, et s'accoudant à l'établi, il s'était mis à songer au temps passé, à la soirée où il avait dit adieu à Gertrude, tandis que le chevau piaffait devant l'auberge des Islettes, à la journée d'été où il avait déclaré son amour sous la tonnelle des demoiselles Pêche. Il repassait avec mélancolie tous ses souvenirs si lumineux. Il regardait à travers les vitres les nuages blancs fuir sur le bleu du ciel, et il se demandait si ce n'était point là l'image de son bonheur évanoui, quand tout à coup le loquet s'agita, la porte de l'atelier s'ouvrit timidement, et une svelte figure de jeune fille apparut dans un rayon de soleil. « Gertrude !» s'écria Xavier. C'était elle, en effet, enveloppée dans une longue mante de drap noir. Elle était encore pâle, mais elle souriait. D'un bond, il fut près d'elle, et en un instant, ses rancunes, ses soupçons, ses pensées mauvaises se dissipèrent comme une fumée. Il lui prit les mains et la fit asseoir. « J'ai voulu te donner ma première sortie, » dit-elle de sa voix sympathique, « car tu sais, j'étais bien malade depuis le jour de l'enterrement. Ma pauvre Gertrude, je suis allée souvent à l'abbatiale, mais on n'a pas voulu me laisser entrer. Voyons si tu es bien changée. » Il examina ses mains amaigries, son visage un peu allongé, ses beaux yeux verts de mer, et reprit en souriant. « Tu es toujours la même charmante, Gertrude. Seulement tu es un peu pâlie. Ton teint ressemble aux anémones sauvages. Il est blanc avec une légère nuance de rose. » « À propos d'anémones, » répliqua Gertrude en écartant les plis de sa mante, « je veux payer mes dettes. Il y a 2 ans, tu m'as donné un bouquet aux Islettes. Je t'apporte les premières fleurs de l'abbatiale. » Elle lui offrit son bouquet composé de primevères et de ces hépatiques bleues qu'on nomme dans le pays des fils avant le père, parce qu'elles poussent avant les feuilles. « Tu es bonne, Gertrude, tu vaux mieux que moi, » s'écria Xavier en rougissant. « Maintenant reste un peu enveloppé dans ta mante, tandis que je vais rallumer le poêle. »« À quoi bon, ne vois-tu pas le soleil? On se sent revivre. »« Non, non, je ne veux pas que tu te refroidisses. Ce sera bon d'entendre le poêle ronfler, tandis que nous causerons près des vitres ouvertes. » Il se mit à fendre du menu bois et à bourrer le poêle, quand une jolie flamme commença de flamber. « À présent, reprit Gertrude, montre-moi toutes les belles choses que tu as faites. » Il la promena autour de l'atelier, lui montrant les panneaux sculptés, expliquant les motifs, les emblèmes, les feuillages. Gertrude se récriait et ne cessait de le questionner. « Sais-tu que tu es maintenant un grand artiste ? » s'écria-t-elle en le regardant avec ses beaux yeux pleins d'admiration. « Flatteuse, tu entends dire que les artistes sont avides de compliments, comme les mouches sont friandes de lait, et tu essayes de me prendre par mon faible. »« Je ne mens jamais, monsieur. » Il enfonça ses sombres regards dans les yeux profonds de la jeune fille qui s'arrêta et rougit. Après un moment de silence, elle reprit. « Du reste, j'ai toujours eu confiance en ton talent. Chaque fois que je regardais le coffret que tu me donnas aux Islettes, je me sentais rassuré et j'avais bon espoir pour ton avenir. « Tu l'as donc encore, ma première œuvre ? » demanda-t-il en riant. « Certainement. J'ai pensé au coffret pendant toute ma maladie. Je m'imaginais l'avoir perdu. Heureusement, les demoiselles Pêche me l'ont renvoyé. » Elle s'interrompit brusquement. Elle était sur le point de tout raconter à Xavier, puis au moment de commencer, elle sentit qu'elle n'oserait jamais. Il lui coûtait de gâter cette première heure de tendresse par des explications pénibles. Elle, si courageuse d'ordinaire, devint lâche en songeant que tout son bonheur à venir était suspendu aux conséquences d'un aveu qui serait peut-être mal compris. « Non, se dit-elle, pas encore aujourd'hui. Goûtons paisiblement cette première entrevue. La prochaine fois, je lui dirai mon secret. » Xavier, de son côté, avait été retenu par une timidité farouche et n'avait osé questionner Gertrude. Tous deux résolurent tacitement d'ajourner toute explication et se livrèrent sans arrière-pensée au bonheur de se revoir. Cet après-midi de février leur apparaissait comme un lac pur, sans une ride, sans une tache, et ils ne voulaient pour rien au monde troubler la calme et limpide surface sur laquelle ils glissaient ensemble. Ils revinrent s'asseoir sur le petit banc adossé à l'établi et se remirent à causer du passé, tandis que le soleil souriait au dehors, que le poêle chantait mélodieusement et que le tic-tac du coucou rythmait familièrement les rapides instants de leur bonheur. Ainsi s'écoulèrent les heures, et ils furent tout étonnés en relevant la tête de voir que le soleil avait disparu et que l'ombre commençait à envahir l'atelier. Jusque-là, ils avaient d'un commun accord évitait de parler des derniers événements et des éventualités des semaines à venir. Il fallut bien cependant toucher aux choses actuelles. « Quand nous reverrons-nous ? » demanda Xavier à Gertrude, qui se levait pour partir. « Ton Cerbère me laissera-t-il jamais entrer à l'abbatiale ?» Gertrude resta un moment pensive. « Écoute, reprit-elle enfin, puisque ma tante a cessé de me voir, notre situation devient plus difficile, et nous devons éviter les commérages. Soyons patients. Le 15 mai prochain, je serai majeur, et je pourrai disposer de moi-même. Ce jour-là, nous nous prononcerons ouvertement, mais jusqu'à cette époque, nous ferons bien de nous voir que rarement. Il faut être sage, mon Xavier. » Elle lui serra la main, il était devenu rêveur. « Mais, dit-il, ce jour-là, selon toute apparence, tu seras l'unique héritière de l'oncle Renaudin. Tu seras riche et j'aurai l'air d'un coureur de dot. » Elle se mit à rire. « Si mon oncle avait fait la folie de déshériter sa sœur, je te jure que je n'accepterai rien, plutôt que de priver ma tante de sa part légitime. Ainsi rassure-toi, orgueilleux gentilhomme, ta dignité ne sera pas humiliée. » « Je dois, » dit Xavier en lui tendant la main, « m'absenter pendant une quinzaine pour aller poser des panneaux dans un château de la vallée de la Meuse. Je serai de retour de dimanche en 15 et j'irai te voir. D'ici là, pense à moi. Et toi, travaille bien, mon petit bouquet te parlera de moi. Il te donnera courage et patience. » En même temps, et par un de ces gestes enfantins qui lui étaient familiers, elle prit le verre où trempait le bouquet et posa un baiser sur les fleurettes. Puis, s'enveloppant dans sa mante, elle s'enfuit légèrement et disparut. Elle s'en revint d'un pas lent à l'abbatiale, tandis que Xavier, émerveillé et transporté de joie, prenait à son tour le bouquet d'hépatique et meurtrissait les fleurs en les pressant sur ses lèvres. Dès le lendemain, Gertrude, dont les forces étaient revenues, commença de s'installer à l'abbatiale. Les scellés venaient d'être levés, et l'inventaire était clos. Elle put arranger à son gré la chambre qu'elle avait choisie. C'était une pièce assez gaie, située au midi, et dont l'unique fenêtre s'ouvrait sur le jardin et les bois. Elle y fit transporter quelques meubles, mit des rideaux à la fenêtre, des fleurs dans les vases, sur la cheminée le coffret de Xavier, et finit par donner un air de gaieté à cette partie de la vieille maison. Cet arrangement lui prit 8 jours. Elle songeait déjà au dimanche où elle devait revoir Xavier, quand un incident nouveau vint bouleverser la tranquillité de sa vie. Un matin, tandis qu'elle était occupée à coudre, Fanchette monta précipitamment dans sa chambre et lui annonça d'une mine effarouchée qu'une femme la demandait en bas. « Ne peut-elle monter ? » dit Gertrude. « C'est moi qui l'en ai empêchée. Elle a avec elle un enfant qui braille comme un petit sauvage. Un enfant ?» Gertrude descendit précipitamment et se trouva face à face avec la nourrice de Beauzé, portant l'enfant de Rose Finouël. Le marmot menait grand bruit, en effet, et la paysanne, pour l'apaiser, se promenait de long en large en chantant à tue-tête une chanson patoise. Les cris de l'enfant et la complainte de la nourrice faisaient un duo si discordant et si comique que Gertrude, malgré la contrariété qu'elle éprouvait, ne put retenir un éclat de rire. « Bonjour donc, madame, » s'écria la nourrice en s'arrêtant tout court, « j'ai eu bien des mots à vous trouver. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous demeuriez à la Chalade ? Je ne serais pas allé me casser le nez à B. » « Vous êtes allé chez le demoiselle Pêche ?» demanda Gertrude. « Oui, là, j'ai même été assez mal reçu par une grande femme qui brandissait son aune, comme pour prendre mesure de mes épaules. Elle a fini par me donner votre adresse et me voici. Je vous rapporte le petiot. » « Ne pouvez-vous le garder plus longtemps ? » dit la jeune fille en rougissant. « Nini, car je quitte le pays. » Elle expliqua alors à Gertrude que son mari, le rémouleur, à l'imitation de beaucoup de ses compatriotes, avait résolu d'aller chercher fortune à Paris, et qu'il emmenait avec lui toute sa maisonnée. « Vous comprenez que j'ai déjà assez de ma petite famille, » ajouta-t-elle, « et que je ne peux pas encore me charger d'un marmot étranger. D'ailleurs, le pauvre petit en pâtirait tout le premier. C'est pourquoi je vous le rends. » Elle lui présenta l'enfant qui avait cessé de pleurer, et qui, la regardant avec des yeux noirs étonnés, agitait vers elle ses petites mains rosées. Gertrude se sentit toute remuée. Et bien que la brusque arrivée de ce marmot inattendu compliquât encore l'embarras de sa position, les mines attendrissantes du pauvre abandonné touchèrent cette fibre maternelle qui dort au sein de chaque jeune fille et la firent vibrer. Elle ne songea plus qu'à choyer l'orphelin comme on réchauffe un oiseau tombé du nid. Elle se dit qu'il se trouvait justement dans la maison de son aïeul, et qu'après tout, cette maison était la sienne, et qu'il avait le droit d'y être bien accueilli. Elle le prit donc courageusement et tendrement dans ses bras, et comme il s'était remis à pleurer, elle le berça à son tour en murmurant un air villageois. « Mais, s'écria-t-elle, il va falloir une nouvelle nourrice. Comment ferons-nous » ?»« Bah, reprit la paysanne, il a déjà près de 6 mois et mange la soupe comme un petit homme. D'ailleurs, vous trouverez bien dans le village une femme qui pourra l'allaiter. » Gertrude, fort embarrassée, consulta Fanchette, qui était restée pour écouter et qui se tenait debout près de la cheminée. « Dame, dit froidement la servante, il y a la fille du vanier qui a eu un malheur et qui... » « C'est bien, interrompit Gertrude, dont les joues s'empourprèrent. Priez-la de passer à l'abbatiale. » La fille du vanier vint, en effet, et le marché fut vite conclu. Elle s'engagea même à rester à l'abbatiale pendant 1 mois ou 2, afin d'aider Gertrude. La femme du rémouleur prit congé le même soir, et la jeune fille se trouva seule avec l'orphelin, auquel on avait improvisé un lit dans un cabinet contigu à la chambre à coucher. Le marmot venait de prendre le sein de sa nouvelle nourrice, et réchauffé par les caresses de Gertrude, il s'était doucement endormi, les lèvres encore blanches de lait. Près du lit, à la lueur de la lampe, mademoiselle de Maupriez contemplait ce calme sommeil d'enfant, et plongée dans ses ressouvenirs, songeait aux confidences de l'oncle Renaudin, ainsi qu'à la mort de Rose Finouël. Pendant ce temps, Fanchette, tout ébaubie de l'événement, s'était glissée hors de l'abbatiale, et d'un pied leste était allée avec sa quenouille et son rouet, frapper à la porte d'une voisine. Elle criait de conter la nouvelle et de la commenter. Tandis que les rouets tournaient, les langues tournèrent plus vite encore, et les deux commères, poussant des « ah » et des « hélas », égrenèrent tout du long un joli chapelet de médisance.